ben grand la woon nag bari waxta man doose bëgg dem extérieur bëgg dem extérieur ba nga li mu doon mu dem nag tàggoo dëkk bi yëpp nekk te yow visa sax amu ko woon quoi par malheur nag mu dem di ñaan kenn mayu ko nag xol bi jeex mu mere yàlla nag ne dafay fayu mu ñibbi këram jàpp ba set lal si jaadaam ba mu tàlli solu nag ba sell toog nag dem bay kàbbaar rek arrêté dem si jaada bi ne yàlla gis nga tas yaakaar ni mu mettee.